suis un rejeté de la société à l'exclu. Je n'ai plus de travail, j'en cherche mais y'en a plus. Pour les gens comme moi, c'est ce que les autres disent. Qu'est-ce qu'ils entendent par là, il faudrait qu'on m'explique. Je peux faire couler des boîtes et je traîne dans la rue. Et foutu à la porte, mon coloc me supportait plus. J'ai pourtant pas l'impression d'être tellement bizarre. Est-ce que quelqu'un qui ne se sent pas à sa place est si rare? I lost my mind, I lost my mind, I lost my mind, I wanna be free. I lost my mind, I lost my mind, I lost my mind, I wanna be free. Alors je quitte cette ville qui m'a tellement déçu, marchant au hasard à la recherche de l'inconnu. On me jette des cailloux, on me traite de gitan. Et puis d'abord c'est pas une insulte, non? Je vis sous les ponts et je rencontre des gens louches. Et c'est dans le canal que je prends ma douche. Je me rapproche de plus en plus de la condition clochard. Il faut que je sorte d'ici, mais n'est-il pas trop tard? I lost my mind, I lost my mind, I lost my mind, I wanna be free. I lost my mind, I lost my mind, I lost my mind, I wanna be free. Au détour d'un chemin, je tombe sur un groupe de hippies. Ils passent leur journée à dormir et fumer de l'herbe. Quelques jours avec eux, je remarque une fille jolie. Je m'accoquine avec elle, mais c'est la meuf du chef, merde. Plus d'un an à traîner sur les routes sans but. À me chercher peut-être et à me perdre surtout. De toute façon, cette vie vaut-elle le prix de la lutte? C'est l'hiver, il fait froid, je crois. J'en vois le bout. I lost my mind, I lost my mind, I lost my mind, I wanna be free. I lost my mind, I lost my mind, I lost my mind, I wanna be free. I lost my life, I lost my life, I lost my life, I think I'm free. I lost my life, I lost my life, I lost my life, I think I'm free.